13, 14, observation, le temps qui passe, les années et les siècles. De 1900 à 1999, c'est le 20e siècle. De 1800 à 1899, c'est le 19e siècle. De 1700 à 1799, c'est le 18e siècle. De 1600 à 1699, c'est le 17e siècle. Et de 1500 à 1599, c'est le 16e siècle. Au 20e siècle. Au 19e siècle. Au 18e siècle. Au 17e siècle. Au 16e siècle, etc.